Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette et Marie. Dai 18 wa. Tu sais, il y a un autre monde à côté de l'autre. C'est vraiment effrayant le hasard. Je fais ce que je dois faire. Mais je ne sais pas ce que ça provoquera. Qu'y a-t-il au bout de ce chemin? Voilà ce que je voudrais savoir. Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Huitième épisode. Il n'y a pas d'issue. Tu n'as pas la moindre chance d'en trouver une, car tu t'es égaré dans le labyrinthe du temps, et le plus grave, c'est que tu n'as aucun désir d'en sortir. C'est bien ça, n'est-ce pas ? C'est bien ça, n'est-ce pas ? Ma parole. C'est à croire que cet homme-là est venu dans le Shikoku uniquement pour dormir. Bon. Tant pis, advienne que pourra. Je le laisserai dormir autant qu'il veut. Inutile de se fatiguer les ménages. Allô ? Mon petit Hoshino. Colonel Sanders ? Exact. J'ai quelque chose de très important à te dire. Voilà, mon petit Hoshino. Il faut que tu quittes cette auberge immédiatement. Reveille Nakata tout de suite. Embarquez le pied avec vous et trouvez un taxi. Indique au chauffeur l'adresse que je vais te donner. Tu as de quoi écrire. Oui. 3, 16, 15, Takamatsu, Park Heights, appartement 308. 3, 16, 15, Takamatsu, Park Heights, appartement 308, c'est bien ça? Parfait. Restez dans cet appartement autant que vous voudrez. La police vous recherche et avec acharnement. Votre signalement est déjà diffusé dans les commissariats. Il suffit qu'ils se mettent à l'ouvrage et vous retrouveront en moins de deux. Allez, il n'y a pas une minute à perdre. La police? Mais c'est quoi cette blague? J'ai rien fait de mal. Nakata a la police aux trousses. Attendez, colonel, je comprends plus là. Nakata est la dernière personne qu'on imaginerait commettre un délit. Qu'est-ce qu'on lui reproche au juste? J'ai pas le temps de t'expliquer en détail maintenant. L'important, c'est que tu protèges Nakata et que tu prennes la poudre d'escampette avec lui. Tout repose sur tes épaules, mon petit Hoshino. Compris. Non, pas compris, là. Attendez, Elle est bien bonne, celle-là. Nakata, au feu, une inondation, un tremblement de terre. Allez, réveille-toi, papy, je t'en supplie. Mais c'est monsieur Hoshino que je vois, là. Oui, c'est monsieur Hoshino. Désolé de t'avoir réveillé, papy, mais en fait, on a un petit pépin, là. Et il faut qu'on s'en aille d'ici tout de suite. C'est à cause de monsieur Johnny Walken? J'ai pas bien compris les détails. Visiblement, il faut filer d'ici dardard parce que la police nous recherche. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre toi et monsieur Johnny Walken? Eh bien, en fait, monsieur Johnny Walken... Nakata l'a tué. Sans blague? Oui, Nakata l'a tué sans blague. Manquait plus que ça. Autour de la cabane d'Oshima, le paysage est le même que la dernière fois. Le parfum des herbes, le chant des oiseaux, le murmure de la rivière, le vent qui siffle entre les troncs, l'ombre tremblante des feuilles. Rien n'a changé. Revoir tout cela m'emplit de nostalgie, comme si je retrouvais une partie de moi-même. Si tu économises les provisions, tu peux tenir une semaine. D'ici là, je serai revenu. Et si jamais les circonstances m'en empêchent, j'enverrai mon frère à ma place. Et puis, je t'ai déjà prévenu, mais je te le répète. Fais extrêmement attention quand tu vas dans la forêt. Si tu t'égarais, tu ne pourrais plus en ressortir. Je serai prudent, Oshima-san. Juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Un bataillon de l'armée impériale s'est entraîné dans ces montagnes. Deux soldats ont disparu pendant l'entraînement, avec tout leur équipement. Ils n'ont jamais réapparu. Personne n'a jamais su s'ils s'étaient perdus dans la forêt ou s'ils avaient déserté. Tu sais, il y a un autre monde à côté du nôtre. Un autre monde. Un monde où rien ne pourrait m'atteindre et où le temps serait immobile. Tu peux t'y aventurer et en revenir sain et sauf si tu fais attention. Mais si tu dépasses un certain point, tu n'en reviens jamais. C'est un labyrinthe. Je serai prudent. Au revoir, Oshima-san. Au revoir, Kafka Tamura. Après le départ d'Oshima, je m'enfonce dans le vieux canapé de la cabane et je pense à Mademoiselle Saiki. Le garçon nommé Corbeau est assis à côté de moi sur le canapé, exactement comme avant, dans le bureau de mon père. Elle est très différente de toi. Elle sait beaucoup de choses que tu ignores. Elle a connu des émotions que tu n'as pas encore goûtées. Toi, finalement, tu n'es qu'un enfant qui n'a que quelques expériences limitées au sein d'un monde étroit. Tu t'es efforcé de devenir plus fort. Et dans une certaine mesure, tu as réussi. Mais maintenant, tu es dans un monde nouveau, face à des situations nouvelles, et tu te sens complètement perdu. Plus je réfléchis, et plus je voudrais ne pas avoir 15 ans. Si seulement j'en avais 20, ou même 18, je serais sans doute capable de saisir le sens des mots et des gestes de cet être appelé Mademoiselle Saiki. Je vis quelque chose de merveilleux. De si merveilleux que cela ne m'arrivera peut-être pas deux fois. Et pourtant, je suis incapable de comprendre vraiment à quel point c'est beau. Et cela me désespère. Tu voudrais te transformer en corbeau vigoureux et sauvage, voler par-dessus les montagnes, te percher devant la fenêtre de sa chambre et la regarder, sans fin. Je m'assieds sur le lit, éteins la lumière, espère voir Mademoiselle Saiki apparaître dans la pièce. Celle d'aujourd'hui, ou celle de 15 ans. Peu importe qu'elle soit un fantôme ou une hallucination, je veux la voir. C'est tout. Mais tu as beau attendre et espérer, elle n'apparaît pas. Tu écoutes le vent, essaies de trouver un sens au bruit que tu entends, d'y découvrir un signe. Mais autour de toi, il n'y a que ces couches de ténèbres profondes. Pas mal comme appartement. On peut pas dire que ce soit original, mais au moins c'est propre. C'est un bel appartement. À propos, Nakata. Qu'y a-t-il, monsieur Oshino? On a soulevé la pierre et on a ouvert l'entrée, pas vrai? Oui, monsieur Oshino et Nakata ont ouvert la pierre de l'entrée. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, Nakata a dormi longtemps. Ouais. Ce que je voudrais savoir, moi... c'est s'il s'est passé vraiment quelque chose ou pas quand on a ouvert cette entrée. Oui, je crois bien qu'il s'est passé quelque chose, oui. Mais tu sais pas encore quoi, j'imagine. Non, je ne sais pas. J'imagine que ce je ne sais quoi est en train de se passer quelque part en ce moment même. Oui, je crois. Il me semble en effet que c'est encore en train de se passer. Et Nakata attend que cela se termine. Et après? Je veux dire, quand ce sera fini, tout se résoudra tout seul? Non, monsieur Oshino. Nakata ne sait pas comment seront les choses après. Je fais ce que je dois faire. Mais je ne sais pas ce que ça provoquera. Et en attendant, il ne faut pas qu'on se laisse attraper par la police, car il nous reste encore des choses à faire, c'est ça? Oui, monsieur Oshino, tout à fait. Nakata vous cause bien des soucis. Maintenant que je suis venu ici, autant aller jusqu'au bout, papy. Alors je continue à te protéger, et si tu dois fuir, je fuirai avec toi. J'arrive pas à croire que tu aies commis un crime, et je vais pas te laisser tomber maintenant. Question de loyauté. Nakata ne sait vraiment pas comment vous remercier. Je ne voudrais pas abuser, mais est-ce que je peux encore vous demander quelque chose? Oh, vas-y. Je crois que nous allons avoir besoin d'une voiture. La nuit suivante, allongé dans le noir, les yeux grands ouverts, retenant mon souffle, j'attends de voir apparaître une silhouette. Mes espoirs se dissipent sans être exaucés. Mademoiselle Saïti n'apparaît pas plus que la nuit dernière. Les ténèbres restent les ténèbres. Tu rêves de Sakura, la jeune fille que tu as rencontrée dans le car pour Takamatsu. Celle qui pourrait être ma sœur. Je suis debout à côté de son lit. Elle est allongée sur le dos, profondément endormie. Je me glisse sans hésiter auprès d'elle. Je pose les mains sur ses hanches, par derrière. Elle émet un petit gémissement, mais ne se réveille pas. Un corbeau jette un cri perçant. Je soulève son t-shirt, pose la main sur ses seins à la peau souple. Sa respiration reste parfaitement normale. Elle dort profondément. Je me dis qu'elle doit être en train de rêver. Le corbeau croisse à nouveau. Il m'envoie sûrement un message, mais je ne parviens pas à le déchiffrer. Le corps de Sakura est tiède et un peu moite, comme le mien. D'un geste ferme, je la tire à moi et la retourne. Je pose mon oreille contre son ventre et essaie de percevoir l'écho de ses rêves à l'intérieur du labyrinthe sous sa peau. Ma décision est prise. Ou plutôt non. Je ne décide rien. Tu as l'impression de suivre un chemin que quelqu'un d'autre a déjà tracé pour toi. Parce qu'en fait, je n'ai pas le choix. Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Et Kafka, qu'est-ce que tu fais ? On dirait que je suis à l'intérieur de toi. Écoute-moi bien, Kafka Tamura. Primo, j'ai un petit ami. Deuxio, tu entres dans mes rêves sans me demander mon avis. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je sais. La responsabilité commence dans les rêves. Même si on n'a pas de véritable lien de sang, on est frères et sœurs tous les deux. Cela ne fait aucun doute. On n'a pas le droit de faire ça. C'est trop tard. Pourquoi ? Parce que j'en ai décidé ainsi. Parce que tu en as décidé ainsi. Tu ne veux plus te laisser mener par les événements extérieurs, ni te laisser plonger dans la confusion. Tu as déjà tué ton père. Tu as couché avec ta mère. Et maintenant, ta sœur. S'il y a une malédiction dans tout ça, tu dois t'y soumettre. Tu dois suivre le programme tel qu'il doit se dérouler. Tu dois te décharger sans attendre du fardeau que tu portes, puis cesser d'obéir au plan formé par un autre que toi et vivre ta propre vie. C'est ça que tu souhaites. C'est ça que je souhaite. Alors je te conduis où, papy ? N'importe où. Tournez en rond dans la ville. N'importe où. Oui, où vous voulez. Nakata regardera par la fenêtre. Personne ne m'a jamais dit « va où tu veux ». Là, je dois dire que ça me désoriente. Alors, je tourne en rond dans la ville et toi, tu regardes par la fenêtre. C'est bien ça, le programme. Oui, ce sera parfait. Mais ça ressemble à quoi, au juste ? Ce que tu cherches ? Nakata n'en a aucune idée, c'est... Oui, tu le reconnaîtras quand tu le verras, et tant que tu ne l'as pas vu de tes yeux, tu n'en sais rien. Tout à fait, tout à fait. Je l'aurais parié. Je voulais juste vérifier. Je m'enfonce dans la forêt. J'emporte une boussole, une gourde, une bombe de peinture et une serpette. À l'aide de la bombe, je marque à la peinture jaune les troncs d'arbres près desquels je passe. Cela me permettra au retour de retrouver la clairière d'où je serai parti. Qu'y a-t-il au bout de ce chemin ? Voilà ce que je voudrais savoir. S'il n'y a rien, j'aimerais le savoir aussi. Je dois savoir. Tout en mémorisant le paysage environnant, j'avance pas à pas, avec lenteur et détermination. Je tiens fermement dans ma main droite la serpette fraîchement aiguisée. Son poids me rassure. Je me sens protégé. De quoi ? À la réflexion, je suis sans doute la créature la plus dangereuse de cette forêt. Peut-être ai-je seulement peur de mon ombre en fin de compte. Pourtant, je sens une présence. J'ai l'impression d'être épié, écouté. Des êtres tapis observent chacun de mes mouvements. Quelque part au loin, ils guettent les bruits que je fais, tentant de deviner où je vais et pour quelle raison. Personne ne sait que je suis là. Je suis seul à le savoir, avec eux. Dis-moi ce que c'est, ce que vous cherchez. Vous ne l'avez toujours pas, toujours pas trouvé. Il fera bientôt nuit. Oh, il a faim au chino. À force de tourner, de tourner en rond, c'est sa tête qui tourne plus, et qui tourne plus rond. C'est sa tête qui tourne plus. Wow. Je progresse le long du sentier qui serpente devant moi. J'avance toujours en continuant à vaporiser de petites touches de peinture sur les troncs. Par précaution, j'entaille aussi des troncs ici et là avec la serpette. Les arbres poussent des cris inaudibles. Un sang invisible coule. À mon insu, mon esprit pénètre dans le territoire de mes rêves. Et ils reviennent en silence vers moi. Je serre Sakura contre moi. Elle est dans mes bras, et je suis en elle. On est frères et sœurs tous les deux, cela ne fait aucun doute. On n'a pas le droit de faire ça. Même en rêve, tu n'aurais pas dû faire ça. J'ai fait mon possible pour t'en empêcher. Tu le savais, je crois. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu as continué à avancer, tu as cru pouvoir vaincre la malédiction qui pèse sur toi, n'est-ce pas ? Mais as-tu réussi ? As-tu réussi ? Tu devrais comprendre que cette malédiction est dans tes gènes. Elle est ton propre souffle et les vents l'emportent aux quatre coins du monde. L'obscure confusion est toujours en toi, n'est-ce pas ? Que dois-je faire ? Tu dois dépasser la peur et la colère qui sont en toi. Laisser entrer dans ton cœur une lumière rayonnante qui en fera fondre la glace. C'est ainsi que tu deviendras un vrai dur. Alors, tu seras enfin le garçon de 15 ans le plus endurci du monde. Tu comprends ce que je veux dire ? Il n'est pas trop tard pour te retrouver vraiment. Sympa de me dire où on va. Je sais que vous le savez pas. Ça commence à faire. Mais je dis rien, je conduis. Oh, je commence à avoir mal au cul. Si on continue longtemps comme ça, je vais finir par devenir un grand chanteur-compositeur, moi. Bon, restons-en là pour aujourd'hui, papy, et rentrons à l'appartement. D'accord, monsieur Oshino. On recommencera demain. Mince, je me suis trompé de direction. Bon, je crois bien qu'on est perdu, papy. Monsieur Oshino. Ouais. Qu'y a-t-il écrit sur cette pancarte là-bas, près du portail ? Bibliothèque commémorative Komura. Tiens. Une bibliothèque dans un endroit désert. Monsieur Oshino ? Ouais. C'est là ? C'est là quoi ? C'est ce que Nakata cherchait. C'est cet endroit. Tu es sûr ? Sans erreur possible. C'est vraiment effrayant le hasard. Tout à fait. Vous avez absolument raison. coïncidence. Les choses commencent à se précipiter et tout converge vers le même lieu. Seul, dans la forêt profonde, l'être que je suis me paraît étrangement vide. Je comprends de moins en moins qui je suis. Je me sens perdu. Là où je suis, il n'y a ni direction, ni ciel, ni terre. Je pense à Mademoiselle Saiki, à Sakura, à Oshima. Mais je suis à des années-lumière du lieu où ils sont. C'est comme si je regardais dans des jumelles à l'envers. J'aurais beau tendre les mains, je n'arriverais pas à les toucher. Je suis seul, perdu dans un obscur labyrinthe. Je ferme les yeux, essaie de trouver mon propre centre. Il est recouvert de ténèbres irrégulières, au bord effiloché. Puis ces nuages sombres se déchirent, et les feuilles des cornouillers scintillent, telles des milliers de lames dans le clair de lune. À ce moment précis, je sens quelque chose se recomposer sous ma peau. Des objets s'entrechoquent dans ma tête. J'ouvre les yeux, inspire profondément. Je jette la bombe de peinture à mes pieds. Je lâche la serpette puis la boussole, qui tombe avec fracas sur le sol. J'ai l'impression d'être devenu très léger. Je détache le petit sac à dos de mes épaules, le jette aussi par terre. Je m'enfonce vers le cœur de la forêt. Je suis un homme vide. Je suis le vide qui dévore la substance. Il n'est rien ici que je doive craindre. Rien. Et tu t'enfonces vers le cœur de la forêt. Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlan. Adaptation Juliette Heyman. 18e épisode. Avec Igor Menjiski, Kafka, Arthur Ribot, le garçon nommé Corbeau, Axel Boguslavski, Nakata, Jonathan Cohen, Oshino, Geoffrey Carré, Colonel Sanders, Juliette Plumcock-Mesh, Oshima. Et les voix de Anne Alvaro, Philippe Magnan, Alexia Monduit. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Chant, Odja Lorca. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.